Audiomatique. Enduring objectives of peace and prosperity, of democracy and human dignity. Reflecting. la formation How Job se chargeait d'ouvrir la transmission 1-3-1 d'Audiomatic grâce à une version complètement refaite de sa pièce Eye Over You, parue à l'origine sur le premier album d'How Job intitulé Homes and Gardens. La version Extended Surveillance de la pièce Eye Over You paraît sur Frames, The Remix Album, qui regroupe des versions alternatives et des remixes des deux premiers albums d'How Job. Nous sommes les électronistes et nous avons pour vous une programmation musicale purement électronique pour la prochaine heure et nous nous assumons pleinement en vous proposant pour la suite le groupe montréalais Technical Kidman. Yeah. À Audiomatic, il s'agissait du trio Sarajevo et moi, originaire de la ville de Québec et composé de Michel Mercier, qui fait aussi partie du légendaire groupe Handful of Snowdrops, de la chanteuse Julie Tremblay, ex-membre du groupe Hypnos, et du claviériste Sébastien Rouleau. Ils nous interprétaient leur tout premier simple de leur album Apparaître, soit la chanson Denial. Vous pouvez en savoir davantage en visitant leur profil Bandcamp au sarajevomoi.bandcamp.com. Précédemment à Sarajevo et moi, on avait droit au groupe anglais Colorbox et leur pièce créée en hommage au compositeur Philip Glass et qui s'intitule simplement Philip Glass. On peut retrouver cette pièce sur différentes parutions, entre autres sur la compilation Best of 82 to 87. Les frères Stephen et Martin Young, membres de Colorbox, ont formé Mars en 1987 avec les membres du groupe A.R. Kane. Ils ont connu un énorme succès avec la célèbre pièce Pump Up the Volume. Et pour débuter, nous vous présentions le groupe montréalais Technical Kidman et la chanson Voyager de leur album Something Stranger Coming on the Horizon. Allons-y maintenant avec une séquence musicale qui nous transporte vers des atmosphères plus ambiantes, bruyantes, expérimentales. Voici d'abord Apparat. Thank you. the boughs of Fyrian lies. We leave them souls of Irian fire to hold in all the dreary inside. With all his heart a gleam he tries. Thank you. on terminait sur une pièce du premier album de la formation Tangent, soit la pièce Vortex, tirée de l'album 1MK2, paru en 2013. Avant Tangent, nous écoutions la formation 90 Antiope, menée par les artistes d'origine iranienne Nima Aghiani et Sarah Bigdeli Shamlou. De leur mini-album Of Murk and Shallow Water, nous entendions la pièce Idax. Et nous amorcions la séquence musicale avec le projet Apparat et la pièce 44 Noise Version, qu'on retrouve sur son album Krieg und Frieden, paru en 2013 et qui explore davantage dans une perspective ambiante et expérimentale. Audiomatique ne fait pas toujours dans la subtilité. À preuve, voici Peace, Love and Pitbulls. Le défunt groupe canadien NAMM vient de clore cette séquence audiomatique avec leur succès Shit Hammer de leur album Death on the Installment Plan. On a aussi pu entendre tout juste avant le groupe montréalais Artifice Palace et la chanson Mémoire de leur album Rusty Flowers. Artifice Palace sera en spectacle au Divan Orange à Montréal le 16 mai prochain, si jamais ça vous intéresse. Et en amorce de séquence, le groupe néerlando-suédois Peace, Love and Pitbulls nous interprétait Newtopia de leur premier album homonyme paru en 1993. Le groupe s'est dissous en 1997 après seulement 3 albums. On termine avec le projet Pierre Pointe, qui a évolué dans les années 90, passant d'un style dark IBM lourd à un style tendant davantage vers l'IDM avec une touche industrielle. C'est d'ailleurs dans ce dernier type d'atmosphère que nous quitterons la transmission 131 d'Audiomatique avec la pièce Idolized tirée de l'anthologie Deleted Tracks from the Earth, qui retrace les différentes étapes de ce groupe aujourd'hui inactif. Les électronistes qui vous remercient sincèrement d'avoir été à l'écoute de cette transmission d'Audiomatique et qui vous suggèrent de consulter les plateformes facebook.com/audiomatique CFOU et mixcloud.com/audiomatique afin de pouvoir patienter jusqu'à la transmission 132 qui sera présentée en direct mercredi prochain dès 17h sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Voici donc Pierre Pointe et la pièce Idolized. Bonne écoute et bonne semaine.